الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا أشكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة ومرسي الله سبحانه وتعالى pour cette grande نعمة qui est le fait de profiter d'essayer d'acquérir une petite science parmi la largesse de la science d'Allah تبارك وتعالى. وهذه نعمة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما. ما قال زدني الزوجات والمال والأولاد، لكن العلم، العلم النافع. C'est une grande نعمة. C'est une نعمة qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'Allah تبارك وتعالى dit à son prophète صلى الله عليه وسلم dit mon Seigneur augmente-moi la science, ce qui est la chose la plus profitable. Il ne lui a pas dit augmente-moi le nombre d'enfants, augmente-moi ma richesse, augmente-moi ceci ou cela. لكن زدني علما يعني العلم العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. Le livre d'Allah, la science tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Tout ceci à la compréhension des pieux prédécesseurs, radiallahu ta'ala anhum. Donc, rien que pour ce bienfait, on remercie Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est le plus beau des bienfaits. Thaniyan, mashkurun nas. On remercie les gens, après avoir remercié Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah, azza wa jalla. N'a pas remercié Allah. Remercie les gens de nous accueillir. Ça demande une organisation, ça demande des efforts, ça demande du travail. On se doit de remercier les gens. Le prophète me disait, il paye celui qui travaille avant que la goutte de sueur soit tombe. On se doit aussi de remercier les gens, de faire des doigts pour eux, car ce sont nos frères fillah, de demander le pardon pour eux et qu'Allah leur facilite dans la da'wah. Le thème, comme vous le savez, c'est les droits des savants. Le plus grand des savants, Allah tabaraka wa ta'ala, huwa al-alim bi'ilmihi subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala parmi ses noms, al-alim, le savant. Savant par sa science. Une science qui nous est limitée pour nous. Allah tabaraka wa ta'ala n'a donné à l'humanité que très peu de science par rapport à sa science qui est vaste. Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah est savant sur toute chose. Rien n'est caché à Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qui est apparent comme ce qui est caché. Ce qu'il y a au plus profond de toi, Allah tabaraka wa ta'ala est savant là-dessus. الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون وما كان وما سيكون ولو يكون كيف يكون. الله sait de par sa science ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, et même si ça s'était passé, comment ça se passerait. علم الله سبحانه وتعالى. Or celui qui appelle le tawhid, et c'est la da'wah des prophètes et des messagers, il se doit de parler d'Allah تبارك وتعالى avant toute chose. De faire revenir les gens envers Allah tabaraka wa ta'ala, avoir un comportement honorable envers les savants, ça c'est demandé, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un comportement encore plus honorable à avoir, c'est envers celui qui a donné cette science, qui a révélé cette science à ses prophètes, puis ses prophètes vont donner comme héritage, comme on le verra, à tous les savants. Le comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla. وهو العليم. طيب avant de donner le droit aux savants, il faut savoir une chose. Qui est savant? Parce qu'on est à une époque où les gens désignent Foulan alim min al ulama. Aujourd'hui, on a une époque, subhanallah, où c'est le peuple qui décide qui est savant. On entend les gens parler. Foulan kibar ulama, kada, kada, kada. Ne sait qui est savant qu'un savant. Ne sait qui est savant qu'un savant. Seul quelqu'un qui détient la science d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en connaissant la personne, hein, en ayant évalué ses paroles, en ayant évalué la personne, il pourra dire « Hadahu alim » ou « min al-ulama, min kibar al-ulama, min al-ilm » Mais ce n'est pas nous, en tant qu'ignorants, qui allons dire « Fulan alim » Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une époque où les gens mélangent un peu tout. Donc il y a une différence à faire sur trois points. La différence entre les savants et les lecteurs. Il y a une différence entre un savant et quelqu'un qui lit beaucoup. La base, comme mentionnent les savants, chez un savant, c'est que on part avec la base qu'il applique ce qu'il sait. Il a l'ilm, oui, ou l'amal bih. Mais il applique cette science. Il est connu parmi les pieux prédécesseurs, hein, lorsque tu lis un peu leur vie, tu dois t'imprégner de leur vie, tu t'apercevras que quelquefois ils n'ont pas parlé d'une chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas encore appliquée. Ils n'en ont parlé qu'après avoir appliqué cette science. Apprendre la science, c'est bien. C'est obligatoire pour chaque musulman, chaque musulmane, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Mais il se doit d'appliquer la science. L'amal, thamaratul ilm, l'ibada, les bons comportements, sont les fruits de la science. C'est ça l'ilm nafir, la science profitable. Quand Allah, tabaraka wa ta'ala, amara le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rabbi zinni ilman, yani l'ilm nafir. Quand il ordonne à son prophète, ça c'est un demande la science, c'est-à-dire demande la science profitable. Une science qui t'est profitable, où tu es concerné par le sujet. Al-Tawhid, tout le monde est concerné. Al-Salat, tout le monde est concerné. Maintenant, il y a quelques chapitres où tout le monde n'est pas concerné. Où tout le monde n'est pas concerné. Donc chacun apprend la science dont il a besoin. Et donc, il se doit de faire la différence entre... S'il veut donner le droit au savant, de savoir qui est savant. Il va donner des droits à des gens qui ne le méritent pas. Ces droits-là sont réservés aux savants. Lui, il donne ces droits-là à des ignorants, à des gens qui ne sont pas sur le Coran et la Sunna, qui ne sont pas sur la droiture, qui ne suivent même pas les savants eux-mêmes. Donc il y a une différence entre le savant et le lecteur, celui qui lit. Il lit beaucoup, mais il n'agit pas selon sa lecture. Il n'applique pas sa lecture. Il ne cherche pas à comprendre sa lecture. Il ne vérifie pas si sa lecture est conforme à la parole des savants. Donc ne pas confondre un savant et un lecteur. Une autre différence à faire aussi, afin de donner ces droits-là aux personnes qui en ont le droit, la différence entre un savant et les penseurs et les gens cultivés. On entend aujourd'hui tel penseur musulman. Pensez à quoi? Le Coran venant d'Allah tabaraka wa ta'ala a-t-il été révélé pour que chacun prenne les arguments qui sont dedans et que ces arguments viennent prouver ce que tu as déjà dans ta croyance, ou bien chacun doit se conformer à ce Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on t'a demandé de penser? On t'a demandé de méditer, mais que ta méditation, ton fikr, ta manière de réfléchir, ta manière de penser, soit conforme au Coran et à la Sunna. Est-ce qu'on médite comme le salaf salah méditait? Est-ce que ta compréhension des textes, hein, lorsque tu commences à penser, est conforme à l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner à ses compagnons? Et conforme à l'idée qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu réfléchis comme le salaf réfléchissait? Comme on a dit, ظاهرًا لا يكفي. فلان يقول أنا أتبع السلف عند اللحية والقميص والنصف الساق. Hein, j'ai اللحية, j'ai un قميص comme le salaf. Quoi que les nôtres ils sont hybrides, modernes. J'ai le نصف الساق, j'ai mon vêtement au-dessus de la cheville. Moi je suis salaf. لكن باطنا est-ce qu'à l'intérieur de toi est-ce que ta aqida ta croyance est conforme à la aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est la même croyance que le sahaba radiallahu anhu et ça tu te dois de vérifier or il y a des gens aujourd'hui des penseurs qui se sont éloignés du livre d'Allah qui le prennent juste comme appui mais qui après sortent du Coran et de la Sunna. Ils commencent à penser et ils ramènent ces pensées dans le cœur des musulmans et les musulmans partent avec ça. Quelquefois sur une chose simple, Al-Iman, quelquefois tu poses la question à des gens, Al-Iman c'est quoi? Al-Iman c'est une lumière que tu as dans le cœur, kada wa kada kada. Al-Iman c'est quelque chose d'abstrait, c'est... Wallahi, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Al-Iman, Al-Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa ila akhirihi. Pourquoi tu ne réponds pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Pourquoi tu as été chercher ces pensées, ces courants de pensées qui circulent parmi les musulmans? Est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas? Réponds comme il a répondu. Simple. Pourquoi aller chercher ces pensées qui la plupart du temps sont tirées de falsafa, de la philosophie, de la pensée, des règles que certains hommes ont ramenées parmi les Grecs et les Romains? Ils ont ramené des règles. Des règles qu'ils ont tirées de l'aql, de la raison. Et ils les ont ramenées comme ça, et jusqu'à ce que ça rentre, fil asma wa sifat, dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cela atteint le cœur des musulmans, des courants de pensée. Là. Faites attention et faites bien la différence entre un savant qui tire sa science pure du livre d'Allah et de la sunna du prophète, à une bonne compréhension, et quelqu'un qui tout simplement se met à penser. On peut tous penser, on peut tous être des penseurs. Mais ce n'est pas le chemin à suivre. Et ce n'est pas à ces gens-là que l'on va donner le droit des savants. Le droit des savants va le donner les ahlil ilm, aux gens de science al-ulama. Une autre chose à ne pas confondre, al-ulama, les savants et les prêcheurs ou les orateurs. Ce n'est pas tout prêcheur qui est savant. Ce n'est pas tout prêcheur qui est savant. Aujourd'hui, on est dans une époque de fitna, surtout chez beaucoup de jeunes, dès qu'ils voient quelqu'un avec un livre en arabe, ça y est. Hada talib al-ilm. Huwa min ahli al-ilm. Va lui poser des questions. C'est des fatwas qu'on te demande. Le fatwa. On t'expose des cas, ces cas-là, il faut les demander aux savants, il ne faut pas les demander à n'importe qui. Ne pas confondre quelqu'un qui prêche, celui qui prêche, c'est une bonne chose. Tant que sa da'wah est convenable et qu'il prêche sur ce qu'il connaît. Il connaît ses limites. Il connaît ses limites. Il ne dépasse pas ce qu'il ne connaît pas. Quand c'est trop dur pour lui, débarrasse-toi. Il n'y a pas de honte à ça. Quelqu'un, quelquefois, les gens, ils ont honte. Non, mais il faut que je réponde quand même. Mais qui t'a mis cette pression? Tu sors ça d'où? Tu n'es pas obligé à répondre. Tu fais partie de la science de dire Allahu a'lam. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Allah, quand on entend les cassettes, ou même dans ses assises, le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah, min kibar ulama, muhaddith. C'est une montagne dans la science. Dans plein de questions, tu l'entends, Allahu a'lam. Et même quelquefois, toi, tu vas entendre la question, toi, tu vas répondre, lui, il dit, t'entends, Allahu a'lam. Une question simple, j'ai écouté une fois, on lui dit. C'est quoi la hikma de mettre la main droite sous la joue droite lorsqu'on va dort du côté droit? Il y a des sunnas, le prophète il le faisait. Certains ramènent les akhwan. Peut-être que d'autres ulama ont répondu. Lui il répond quoi? Allahu a'lam. Khalas, il ne sait pas. Et pourtant la science qu'il a, subhanallah. Quelquefois dans des petites questions que tout le monde répond, tu la poses à un shir, min kibar, il te dit, allez demander à tel alim, moi je ne sais pas la réponse à cette question. Faites bien la distinction entre un savant qui mérite les droits des savants et un prêcheur. Quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui fait appel. Et en vérité, chacun de nous doit être prêcheur à son niveau. Le père de famille est prêcheur à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Il les invite à l'islam, il leur fait aimer la sunna et non pas le contraire. Le savant fait aimer la religion aux gens, il ne les éloigne pas de la religion. Certains prêcheurs éloignent les gens de la religion par certains comportements qu'ils ont, par certaines choses qu'ils n'appliquent pas. Ils appellent les gens à quelque chose, mais ils ne l'appliquent pas. Donc les gens, quand ils voient ça, هذا هو الإسلام. C'est ça l'islam, c'est des gens qui appellent, qui parlent, et après ils font n'importe quoi et on doit les suivre là-dedans. C'est ça l'islam, tu portes l'islam sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, lorsqu'il a, il a donné la comparaison, al-alim alladhi yad'u ila al-bir, yani il a khair, il appelle au bien, mais il n'applique pas le bien auquel il appelle. Le professeur m'a comparé ça à quoi ? À une torche. Qu'est-ce qu'elle fait la torche quand tu la tiens dans la main ? Elle éclaire tout le monde et elle guide tout le monde, mais elle se brûle elle-même. Subhanallah. Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, attention de bien mentionner la différence entre les savants et les penseurs, les savants et ceux qui font des da'wah, qui prêchent. Hein? Entre les savants et les lecteurs, il y a une grande différence comme les cieux et entre les cieux et la terre, entre les savants et ces gens-là. Comment est-ce qu'on reconnaît un savant ? Bi'ilmihi, par sa science, tout simplement. Ses comportements, certains vont dire par ses comportements. Ses comportements suivent la science. Ses comportements sont les fruits de sa science. Et tout le monde, chaque musulman, devrait étudier la vie des savants. Ils doivent étudier la vie des savants, s'imprégner d'eux. Le mieux, c'est de les côtoyer. Cela n'est pas donné à tout le monde. Hein? Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais celui qui peut, même il peut y aller que 10 jours, il y va 10 jours. Celui qui peut y aller une semaine, ben il y va une semaine. Mais il faut qu'il s'imprègne de ça. Parce que quelquefois, on donne des noms. Bon, il y en a qui sont morts, rahmanullah, comme Cheikh Uthaymeen, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, rahmanullah. Ceux qui les ont loupés. Et ils ont loupé quelque chose. Wallahi, ils ont loupé quelque chose. Mais il reste derrière des ulama. Il faut aller les voir. Celui qui peut, qu'il aille les voir. Celui qui n'a rien à faire, qu'il parte. Hein? Qu'il aille voir les savants de ses propres yeux. Certains diront, moi j'y vais pas parce que je comprends rien. Ahad min al-salaf qala, un parmi les prédécesseurs disait, je me suis assis avec mon shir pendant 9 ans. Je n'ai rien écrit pendant 9 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vas dire, celui-là a perdu son temps. Non, ça c'est nous. Lui, il a dit quoi ? J'ai regardé l'akhlaq, l'adab. J'ai regardé les bons comportements qu'il avait, sa manière d'être. Et il s'en est imprégné. Il s'en est imprégné. Et quand on dit qu'il n'a pas écrit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté. Hein ? Sachant qu'il est toujours mieux d'écrire. Cela reste plus gravé que l'aql. On reconnaît aussi les gens de science dans le fait que lorsqu'ils parlent, ils ramènent très peu de paroles d'eux-mêmes. Si tu regardes bien dans les livres des savants, hein, ou en écoutant leurs cassettes, ou en allant les voir, ça c'est une grande ni'ma, très peu de paroles d'eux-mêmes. Allah, Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Rasulullah al-Ummah, Sahaba, Mottabirin, Mottabir, Tabirin, Al-Aqwal, et une petite parole vite fait pour expliquer. Très peu de paroles de lui. Le savant, lorsqu'il parle, et c'est là que tu reconnais quelqu'un qui a de la science. À chaque fois qu'il parle, قال الله قال الرسول, قال الله قال الرسول, sallallahu alayhi wa sallam, قال الصحابة, قال شيخ فلان, فلان, كذا, وكذا, وكذا. Il n'y a rien de lui pratiquement. Il n'y a pratiquement rien qui sort de lui, de sa propre parole. Subhanallah. Ça, c'est un bon signe. Ça prouve la science de quelqu'un. Al-Huqur, les droits des savants. Le premier, Yaqul Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il mentionne, ce sont les jurisconsultes et les savants en matière de religion. Ceux qui obéissent à Allah, tabaraka wa ta'ala, tout en enseignant aux gens les notions de leur religion, qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Et Allah a rendu obligatoire l'obéissance aux savants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a mentionné, et cela englobe aussi bien ceux qui ont la force et le pouvoir, que ceux qui ont la science, et qui ont la science, les savants, Donc les savants, les gouverneurs. Donc Ahlul Ilm, les ulama, font partie de ceux qui détiennent le commandement. Ibn Kathir, rahimallah, fi tafsir, il a mentionné lui, ceux qui détiennent le commandement parmi les autorités et les ulama, les savants. Le droit que le savant a sur toi, c'est que tu lui dois obéissance. Et beaucoup confondent les gouverneurs et les ulama. Combien tu trouves des gens qui dénigrent les savants en disant « Oui, mais regarde, l'ulama, il parle, il dit fois, tel, fois, ça c'est interdit, ça c'est haram, kada, kada. » Et regarde, les gens, ils le font. Et ce n'est pas au savant de faire appliquer les règles d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le savant, il décrit les choses. Ça c'est halal, ça c'est haram. Il informe, il prévient. Il appelle les gens au bien et il interdit aux gens le mal. Est-ce que c'est à lui de faire appliquer? Non. Là, c'est le gouverneur qui fait appliquer. C'est son rôle. À ne pas confondre les deux rôles. Mais tu dois obéissance au savant. Lorsque le savant mentionne une chose, tu lui dois obéissance. Ça, c'est l'un des premiers droits. Le deuxième droit, c'est le recours au savant. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel. Le Coran et la Sunna. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. L'imam Sa'di, rahimallah, tout cela vous le retrouvez dans leur livre, le Tafsir, le Coran, comme l'imam Sa'di ou Ibn Kathir et d'autres. Il a mentionné l'éloge des savants. Et que le degré le plus élevé de connaissance, c'est l'ilm. L'ilm, bi kitabillahi azza wa jalla. C'est la science du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, révélé par Allah azza wa jalla. Allah en a fait ordonner à ceux qui ne savent pas d'avoir recours dans toutes les situations, à qui? Les ulama, aux savants. C'est une preuve de l'intégrité, une attestation de leur honorabilité. Car il est ordonné de leur poser les problèmes, et de cette façon, la responsabilité de l'jahil, de l'ignorant, ils s'en déchargent. Hadith rahma. En vérité, c'est une rahma d'Allah. C'est que tu vas te décharger d'un problème. Allah il te dit, demande aux gens du rappel, demande aux ulama, demande aux gens de science si tu ne sais pas. Ça veut dire que tu as un problème. Quand on a un problème, le musulman, quand il a un problème, ne va pas demander à un boucher ou à un journaliste ou à qui que ce soit. Il demande les ahli al-ilm. Les seuls qui peuvent gérer son problème, répondre correctement à son problème, et qui ont la solution, parce qu'ils ont l'éclaircissement des choses. Un savant ne voit pas les choses comme toi. Il voit plus loin. Hein? Quand on voit toujours les savants sont toujours en train de prévenir contre une fitna. Parce qu'ils la voient arriver de loin, la fitna. Les gens n'écoutent pas. Et quand la fitna est arrivée, qu'est-ce que font les gens? Ils retournent vers le savant. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un mal, dans un char. Un char nous a touchés. Une fitna nous a touchés. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas écouté le savant qui les a prévenus de la fitna. N'allez pas vers ce chemin, la fitna va arriver. Il va y avoir tel mal, tel mal, tel mal. Ils n'écoutent pas. Ils sont dans un problème, mais ils n'écoutent pas. Ils ne vont pas vers leur savant. Le savant voit la fitna arriver de loin, comme on le verra tout à l'heure avec Abdullah ibn Saoud al-Radawa. Donc tu te décharges. J'ai un problème, je demande au savant. Le verset il est simple. Fas'alou ahla dhikri kuntum la ta'lamoun. Si vous ne savez pas. Et malheureusement, on trouve des gens qui connaissent la réponse, mais qui posent quand même la question pour faire des histoires quelquefois. Ils n'ont pas une bonne intention. Pour faire des méchakils. Hein? Certains ont une mauvaise intention. Ou ils ramènent des problèmes entre tel shir, etc. Ce qui est une belle fitna. Pas le temps pour ça. La seule chose, quand tu peux poser la question alors que tu connais la réponse, c'est comme il a fait Jibril alayhi salam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a hadith Umm Sunnah. Tout le monde connaît ce hadith. Hadith Jibril. Jibril il vient, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam, sur l'iman ou l'ihsan. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Sadaqta. Tu as dit vrai. Tu as raison. Tu as dit vrai, tu as raison. S'il lui dit tu as dit vrai, c'est qu'il connaît la réponse. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin? Il est venu. Il vous a appris votre religion. Donc tu as le droit de poser la question à un savant lorsque tu es dans une assise par exemple, afin de faire profiter aux autres de la réponse, même si tu la connais. Mais de poser la question au savant alors que tu connais très bien la réponse, non, Deuxième chose, Allah tabaraka wa ta'ala a donné au savant le droit qu'on lui pose la question, à lui. Il y a deux individus qui sont dans cette phase-là. Il y a celui qui fait partie de la masse, qui va poser sa question. Le shir lui répond et l'applique. Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé autre chose dans le verset? Fas'alou. Demandez. Vous avez la réponse? Vous appliquez la réponse. Et il y a celui qui est versé dans la science et qui a la capacité, selon la science qu'il a, de pouvoir faire une distinction entre la parole d'un savant qui a donné ses délits, ses adillah, ses preuves, et la parole d'un autre savant qui a donné lui aussi ses adillah, mais qui n'ont pas le même avis. Mais lui, il est assez versé dans la science pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve des ignorants qui posent la question à un savant. Ah, mais moi, la réponse, moi, ne me satisfait pas, ne m'arrange pas. Comme il y avait un talib un jour, on lui pose la question, un frère lui pose une question, et ça se voyait que dans la question, il espérait une certaine réponse. Masha'Allah, il lui a donné une très belle réponse, le frère. Tu veux que je te dise le haq ou tu veux que je te dise ce qui t'arrange? Chaque musulman dira quoi? C'est la honte, tu ne vas pas dire ce qui m'arrange. Il lui a dit, bah, dis-moi le haq. Et il lui a donné le hukm qu'il a demandé. Hein? Tu te dois de te plier. Tu lui dois l'obéissance au savant. Tu te dois de te plier à la fatwa qu'il t'a donné et de l'appliquer. C'est pour ton bien. Ce sont les héritiers des prophètes. C'est pas n'importe qui. S'ils te répondent, c'est pour ton bien. N'oubliez pas que les savants veulent le bien pour vous. Ils ont de la rahma envers les gens. Les gens les plus miséricordieux envers les gens, c'est le ulama. En dehors de qui? De l'Anbiya wa Rasoul, alayhi salat wa salam, qui eux-mêmes sont des savants. Taïe. Troisième droit, je dis troisième, bon, ils ne sont pas dans l'ordre, et ils sont nombreux, comme vous allez le voir, Inch'Allah. C'est leur donner leur place. Allahu tabaraka wa ta'ala, shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm. Qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah azza wa jalla a mentionné, Allah a témoigné. Allah a témoigné. Il n'est nul digne d'être adoré en dehors de lui. Donc après le témoignage d'Allah, le témoignage de qui? Wal malaika. Ce n'est pas n'importe qui. Les anges, al malaika, qui ne peuvent désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Les anges à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné de sa science. Il les a informés de certaines choses. Puis vient le témoignage de qui? Les savants. Regarde la place qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donnée. C'est leur droit que tu leur donnes cette place-là. Allah azza wa jalla témoigne pour lui-même. Il témoigne sur Tawhid. La ilaha illahu. Il témoigne sur Tawhid. Allah azza wa jalla témoigne de lui-même, de son unicité. Qui connaît mieux Tawhid après Allah azza wa jalla? Al-Malaika. Les anges. Le témoignage des anges, juste après le témoignage de qui? D'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fis sama, al malaika, aïn al malaika, fis sama. Et bien sûr aussi, dans le dunya, puisqu'ils ont certaines fonctions. Vous savez, vous revenez au livre qui parle de ça, inshallah. Puis vient le témoignage de qui? Ahlul ilm, al ulama, les savants. Allah, tabaraka wa ta'ala, a associé à son propre nom, dans un témoignage, le nom des savants. Ibn al-Qayyim rahimullah a mentionné ce témoignage divin renferme l'éloge des savants qui ont témoigné cela et leur intégrité. Qurtubi rahimullah a mentionné la preuve du mérite et de la grandeur des ulama, des savants. S'il existait quelque chose de plus noble que les savants, Allah tabaraka wa ta'ala aurait joint son nom à eux. S'il y avait quelque chose d'autre de plus noble que les ulama, quelqu'un de plus noble que eux. Certains vont dire les prophètes et les messagers. Les prophètes et les messagers, ce n'est pas des savants. Les sahaba, ce n'est pas des savants. Hum al-ulama. Bien sûr que c'est des savants, ce sont les plus savants. Et les ulama sont les héritiers des prophètes, comme on va le voir après, Inch'Allah. Un autre droit que les savants ont sur toi, le fait de ne pas leur donner la même place que les autres. On a vu qu'ils ont une place élevée, c'est un droit qu'ils ont sur toi, que tu leur réserves cette place-là qui est une place élevée. Maintenant, c'est de ne pas, hein, donc de leur donner cette place qui est élevée, mais de ne pas leur donner la même place que les autres. يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? الطبري رحمه الله مسلمي الله عز وجل وقال الله عز وجل جوبيان الدرسي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تبارك وتعالى élevé ceux qui ont cru parmi vous. Donc, il y a le mu'minoun, les croyants, mais il a ramené une spécificité. Et il a élevé qui? Ceux qui détiennent la science, il les a élevés en degrés. Ceux qui croient parmi vous. Mais parmi ceux qui croient parmi vous, il y a des savants. Il les a élevés au-dessus des autres. L'imam Tabari, rahimahullah, a mentionné, Allah Azza wa Jal a élevé en degrés ceux qui la science a été, à qui la science a été donnée. Parmi les gens de foi. Et au-dessus des croyants qui n'ont pas de science, par le mérite du savoir, il y a l'ulama. Il y a les savants. On ne compare pas un savant à un ignorant. Un ignorant, il se tait, il s'assoit et il écoute. Le savant, il parle et il enseigne. Combien tu entends aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui se sont convertis à l'islam et qui avaient une haute place dans la société, et bien on leur fait faire des doros, des cours. On leur fait parler de l'islam alors qu'ils ne connaissent rien. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une place élevée dans la société et qu'ils se sont convertis et qu'ils sont rentrés dans l'islam. Ça, c'est un grand bienfait. Alhamdulillah, on est content pour eux. Mais est-ce qu'ils doivent prendre la place de nos savants? Est-ce que c'est à eux d'apprendre la religion aux gens? Non. Ils s'assoient et ils écoutent. Et ils apprennent la science, les savants. On ne compare pas un ignorant avec un savant. On ne donne pas le droit d'un savant à un ignorant. On ne se comporte pas avec un savant comme on se comporte avec un jahil, un ignorant. Regarde la différence entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Le hadith, vous le connaissez tous. Celui qui a tué 99 personnes. Un tueur. Porte son nom. 99 personnes, subhanallah. Il arrive, on lui dit qu'il demande qui est le plus savant ici. Va voir un tel. Il y va. On m'a dit que c'était toi qui étais le plus savant ici. J'ai une question. J'ai tué 99 personnes, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il lui a dit non. Ça ne lui a pas plu. Ce genre de personne, il ne faut pas lui dire non. Il lui a dit non. Il l'a tué. Il est parti voir quelqu'un d'autre. Il a dit à quelqu'un d'autre, il a dit, va voir celui-là. Il est venu, il lui a dit, non, Allah peut te pardonner. Vous connaissez la suite du hadith. العثيمين رحمه الله شيخ العثيمين رحمه الله قال في شرح الحديث انظر كيف يموت الكلام بغير علم. Regarde comment il est mort cet ignorant qui a dit qu'Allah ne lui pardonnerait pas. Il est mort, c'est quoi la sabab al-mout? La cause de sa mort, c'est quoi ici? Il a parlé sans science. Il s'est mis à la place d'Allah. Il a dit Allah ne peut pas le pardonner. Il est mort. Sa dernière parole, c'est quoi? C'est le kalam bighayr ilm. C'est d'avoir parlé sans science. Et il est mort là-dessus. Qu'est-ce qu'il va dire Yom al-Qiyamah, cet homme-là? Il est mort là-dessus. Il est mort sur le jahl. Et c'est un ignorant qui a parlé. Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné, si vous lisez la suite du hadith. Celui qui n'a pas lu, qu'il le lise, Inch'Allah. Il tirera beaucoup de profit de fawa et de bienfait de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez bien la différence. De ne pas donner la même place à un savant et à un ignorant. Parmi les droits qu'Allah Azza wa Jal a donnés aux savants et qu'on doit leur donner, c'est de se dire et de donner le droit du savant, c'est que ce sont les gens qui comprennent ce qu'Allah a dit. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala, wa tilka al-amthal. Donc voici des exemples. Nadwaribuha linnas. Nous exhortons les gens par ces exemples. Et Allah Azza wa Jal, qu'a-t-il rajouté? Mais ne les comprend, ne raisonne bien sur ces exemples que qui? Les savants. Ibn Kathir, rahmallah, a mentionné et ne le comprennent et ne le méditent que ceux qui sont bien enracinés fil ilm, dans la connaissance, dans la science. L'imam Sa'di rahimahullah a mentionné yaqiluha, hein, ils ont médité dessus, yani alfham wal amal bih. Ces exemples là qu'Allah a donné aux gens, l'alim, le savant, il médite dessus, yafham, il le comprend, yamal bih, et il l'applique. C'est-à-dire une science totale. Il a compris le ma'na, il a compris ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu dire. Et Allah Azza wa Jalla lui-même témoigne que les savants comprennent les exemples qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne, les exhortations qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne dans son livre et dans la sunna. Et on le voit nous-mêmes, quelquefois on lit le Coran, on le lit, on le lit, on le lit, on le lit. Pendant 5 ans on a lu le même verset, et la 6e année on se dit tiens je vais voir le tafsir. Et tu vois bien que tu étais à des années-lumière de la bonne compréhension. Alors lui, le savant, il a déjà étudié bien longtemps avant toi. Il connaît la bonne compréhension. Il a compris. Et il a agi selon cette compréhension. Wa qala l'imam Sa'di rahimahullah, ila al-alimoun, les savants, les véritables ulama, les véritables savants, ceux dont la science a atteint quoi? Al-qulub, les cœurs. Apprendre la science pour apprendre la science? Non. Apprendre la science pour qu'elle rentre dans le cœur, pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on apprend la science? Beaucoup apprennent la science du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il apprendrait une autre science. Comme il apprend la géologie, comme il apprend la biologie. Il apprend la science pour, on va dire qu'il est curieux. Il est curieux, mais il apprend la science pour apprendre la science. Pour acquérir un savoir, sans plus. Cette science-là n'a pas pénétré dans le cœur. Combien de gens apprennent, ils enregistrent, ils hibs tout. Mais il ne comprend pas ce qu'il apprend. Et cela ne pénètre pas dans le cœur. Il n'y a pas une application. Il ne peut pas y avoir d'application si elle n'a pas pénétré le cœur. Il ne peut pas y avoir une bonne application si ce n'est pas compris par le cœur. Amin al-Salaf, il disait, j'ai appris beaucoup. Il apprenait. Et un jour, il a tout lâché. Il s'est surchargé. Il est connu dans la sunna qu'il ne faut pas se surcharger. Il vaut mieux petit et régulier que beaucoup et après rien du tout. Et un jour, il s'est assis comme ça. Il a commencé à méditer. Et il a vu une pierre avec des gouttes qui tombent, des gouttes d'eau. Ça fait un bout de temps que des gouttes d'eau tombent. Et subhanallah, il a regardé comme ça, il a dit, al-ilm, la science, elle est plus douce que cette eau. Et mon cœur, il n'est pas plus dur que cette pierre. Et pourtant, l'eau a creusé la pierre. Ça fait tellement longtemps que cette eau-là, elle tombe sur la pierre qu'elle a, elle a creusé. Essayez chez vous, vous verrez. Ça peut être pas avant de voir le résultat. Il faut du temps. Donc, il en a déduit quoi? Que l'ilm, c'est petit à petit. Petit à petit. Une fois, c'était une assise d'un bachir, il disait, il voyait que les yeux commençaient à tomber. Hein? Les gens commençaient à ne plus suivre. Ben lui, il avait l'habitude d'être là. Et nous, on fait comme on peut. Et regardez, il a dit, bon, je vais arrêter là, parce que je vois que les yeux tombent. Et après, il a donné une belle parole, il a dit, la science, goutte par goutte. Goutte par goutte. Tous les jours, un petit peu. Chacun fait comme il peut. Tu vas voir des frères, ils peuvent rester avec un livre toute la journée. D'autres peuvent rester une demi-journée. L'autre 3 quarts d'heure, l'autre 10 minutes. L'essentiel, c'est d'être régulier. Fais ce que tu peux, mais fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas sur ce qui est passé. Certains, ils restent sur ce qui est passé, ils n'apprennent toujours rien. Cette bonne parole de Cheikh Azim, rahimahullah, avance et ne te retourne pas. Tu vas perdre du temps à te retourner, à regarder derrière toi. Avance. Tire le son de ce qui t'est arrivé avant et avance. L'essentiel, c'est d'avancer. Celui qui ne veut pas avancer avec toi, tends-lui la main, tire-le. S'il ne veut pas venir, laisse-le. Tu es responsable de toi-même avant toute chose. C'est bien d'appeler les gens tawhid, c'est bien d'appeler les gens à la sunna, de leur faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur faire aimer salaf au salih. Mais est-ce que toi, tu as commencé par toi? Est-ce que tu as commencé aussi par ta famille, ta femme, tes enfants d'abord? Et petit à petit. Un autre droit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné, c'est de considérer que les savants sont ceux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala sur cette terre. Innama yakhsha Allah min 'ibadihi Allah Azza wa Jalla dit lui-même, ceux qui craignent le plus Allah sur cette terre, ce sont qui? Les savants. Al-Khashiyah. Mais il y a une différence avec le khawf, la crainte et la peur. Il y a des gens qui craignent certaines personnes. Bidouni ta'dil wal mahabba. Ils ont peur des personnes, mais pourquoi? Parce que ces personnes-là ont le dessus sur elles, dans le sens où ils ont peur d'elles, mais ils ne les respectent pas. Ils ne l'aiment pas. Mais il leur fait peur. Ils le craignent. Ça, c'est le khawf. La vraie peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est une peur accompagnée de quoi? Bitta'zim wal mahabba. Accompagnée de la grandeur d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Accompagnée de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non seulement tu as peur de lui, tu as peur de son châtiment, tout en espérant le repentir, qu'il soit accepté. Hein, le sunnah, ils sont au juste milieu. Autant ils craignent, autant ils espèrent. 50-50. Alors, la main dit comme un avion. Enlève-lui une aile, pas besoin de te dire la suite. Il faut les deux ailes. Et les deux ailes, elles sont identiques pour un équilibre parfait. Le sunna sont toujours au juste milieu, dans tout. Comme les musulmans sont au juste milieu, dans tout. Certains ont tué des prophètes, d'autres ont adoré des prophètes. Nous, ni on insulte les prophètes, ni on les tue, ni on adore les prophètes. On les prend comme exemple. Le juste milieu. وكذلك أهل السنة les gens de la sunna, comparés à أهل البدع, les gens de l'innovation, au juste milieu. Au juste milieu. Ibn Kathir, rahimallah, mentionné, ne le craignent comme il doit être craint que les ulama, les savants, qui le connaissent bien. En plus, la connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'alim, l'ilm, ma'rifatullahi azza wa jalla, awwala, ma'rifatul tawhid, ma'rifatul asma wa sifat, thumma, ma'rifatul makhlouqat. La science, c'est quoi? C'est connaître Allah avant toute chose. Pourquoi ces savants sont arrivés, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné, à devenir ceux qui craignent le plus Allah sur cette terre? Parce que plus tu connais ton Seigneur, plus tu apprends à le connaître, plus tu le crains, plus tu espères en lui, plus tu as confiance en lui, plus tu espères en lui. Elle est là la différence entre l'ulama et le reste. C'est que les savants sont proches d'Allah tabaraka wa ta'ala par la science. Le tawhid dans leur cœur a atteint un niveau qu'il n'y a pas dans le cœur des autres de la Ummah. Regarde dans les moments difficiles d'ordre mondial, dans les événements mondiaux, les ulama sont posés. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de ratifa, des sentiments, on court à droite, à gauche, on panique, des gens qui font des fatwas à droite, à gauche, des gens qui parlent, qui donnent leur point de vue. Tu vas voir le boucher, il donne son point de vue, il te fait une fatwa. Tu vas voir le boulanger, il te parle de l'événement, il te fait une fatwa. Les ulama, premièrement, ce n'est pas vos affaires, c'est d'ordre mondial. Chacun se mêle de ses affaires. Premièrement. Deuxièmement, les ulama, ils sont aptes. Ils ne paniquent pas. Al-ilm, avant toute chose. Hein, on vient nous dire quelquefois, mais les ulama ne savent pas ce qui se passe. Allah yaqawl al-bad. On prend les ulama pour des ignorants. Bien sûr, ils savent ce qui se passe. Toi, tu sais ce qui se passe, tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. Eux, ils savent ce qui se passe, mais ils savent ce qu'il faut faire. C'est pour ça que tu les vois poser. Quelquefois, il te faut comprendre que le résultat ne viendra pas maintenant, il viendra après. Pas de précipitation. Ils voient la fitna arriver de loin. Abu Musa al-Ash'ari, rahimallah, radiallahu anhu, une fois il rentre dans la mosquée, il voit des gens faire du dhikr d'une manière qu'il n'a jamais vue. Et ils disent, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, mais d'une manière inconnue. Il ne fait rien. Il va voir qui ? Abdullah ibn Mas'ud, qui est l'autorité à ce moment-là. Il pourrait intervenir, mais non. Il sait qu'il y a une autorité au-dessus de lui. Il sait qu'il y a plus savant au-dessus de lui. Il va voir Ahlul Ilm. Sachant que lui, Ahlul Ilm, il a la science, mais il sait qu'il y a une autorité. Il va voir Abdullah ibn Mas'ud. Il le voit. Il lui dit, viens vite, il faut que je te montre quelque chose. J'ai vu quelque chose. Il n'a pas cru ses yeux, ce qu'il a vu. Il l'a ramené, il lui a dit, pourquoi tu n'as rien dit? Il lui a dit, c'est toi l'autorité, j'attendais que tu viennes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez-y, comptez vos péchés. Et on dit, mais qu'est-ce que subhanallah, on ne fait rien de mal, on fait des dhikr. On dit Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. On ne veut que le bien. Qu'est-ce qu'il a répondu? Combien de gens veulent atteindre le bien, veulent le bien, mais ne l'atteindront jamais. Ils ne l'atteindront jamais. Pourquoi ce n'est pas fait sur le Coran et la Sunna? C'est basé sur du faux. Ce qui est basé sur du faux donne comme résultat du faux. Si tu veux le baraka, fais les choses selon le Coran et la Sunna. Abu Moussa, il dit juste après, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit Abdel Moussaoud? Il a vu le fitna arriver de loin. Il a dit, vous êtes en train d'ouvrir une bêb, hein, une porte, qui mène à un grand égarement. Vous êtes en train d'ouvrir une porte qui mène à quoi? À un grand égarement, à une grande fitna. Il a senti le fitna arriver. C'est un grand savant, Abdullah ibn Mas'ud. Mais son plus jeune âge, il demandait l'ilm. Déjà à l'âge de 15 ans. Il a senti le fitna. Abu Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les mêmes qui nous ont combattus avec le Khawarij des années plus tard. Il a senti le fitna. Il a senti le danger. Il leur a dit, vous êtes en train d'ouvrir une porte qui mène à un grand égarement. Fitnatul Khawarij, qui ont tué le Sahaba, qui ont combattu le Sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Ils n'étaient plus sur le Coran et la Sunna dans leur compréhension. Donc ils en sont arrivés à ce niveau de crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens où plus tu connais Allah, plus tu vas craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la première chose pour laquelle on apprend la science, c'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est pas pour devenir savant, c'est pas pour, comme on dit, marquer le coup. C'est pourquoi? C'est pour que les gens disent, tu sais, ça sert à rien. Yuman Qiyama, comme il a dit le prophète sallam, allez voir ceux vers qui vous avez tourné la ibadah. Ceux devant qui vous aviez l'ostentation, vous faisiez voir d'eux. Allez les voir et allez voir si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Allah tabaraka wa ta'ala ne te la donnera pas la récompense. La première chose pour laquelle on apprend la science, c'est taqwallahi azza wa jal, pour la crainte d'Allah, pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, pour enlever l'ignorance qui est en toi. Thalithan, pour enlever l'ignorance qui est chez les autres. Taïe. Un autre droit, c'est le droit du discernement. Le droit du discernement, bayn al-haqq wa al-batil. Allah Azza wa Jalla a appelé son livre, le Qur'an, al-Furqan. Le discernement, la distinction. Bayn al-haqq wa al-batil. Bayn al-tuhid wa al-shirk. Bayn al-sunnah wa al-bidah. Bayn al-ta'ati Allah Azza wa Jalla wa al-mahsiyah. Il a le discernement, le savant. Tu lui dois de lui donner ce droit-là. Il a un discernement que les autres n'ont pas. Il sait faire la différence tout de suite entre ce qui est bon et mauvais, entre l'unicité et l'association en Allah, entre les péchés et l'obéissance, entre l'innovation et la sunna. Un autre droit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné, et ça vous l'avez tous vu, vous le savez, ce sont les héritiers des prophètes. De quoi ont-ils héritiers? De la science. Cheikh Al-Uthaymin, il a rahimahullah, il disait une parole qui concerne le ulama. Et c'est là que tu vois la pression qu'ils ont au-dessus d'eux, comme on dit. Ils sont le lien entre Allah, tabaraka wa ta'ala, et la Ummah. Pourquoi? Est-ce que les prophètes sont vivants de nos jours? Est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est vivant de nos jours? Est-ce qu'il est parmi nous? Non. Est-ce que les sahaba sont là? Non. Mais il reste qui? Les héritiers. Lorsque le alim va te dire haram, c'est comme s'il te disait Allah Azza wa Jal t'a dit que c'est haram. Allah tabaraka wa ta'ala t'a prouvé que c'est haram. Lorsqu'il va te dire halal, c'est qu'Allah Azza wa Jal te le permet, te le mentionne comme quoi c'est halal. Il faut bien comprendre ça. Regarde la place qu'il a. Il est l'intermédiaire entre le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute la communauté. Et c'est valable pour toi. Non pas que tu es un savant, mais attention à ce que tu dis. Quand quelqu'un vient te poser une question, tu lui dis « Allah, il y a du haram ». Attention, ça veut dire qu'Allah a mentionné que c'était haram. Donc fais bien attention à ce que tu dis. C'est toi l'intermédiaire là cette fois-ci. Hein? Regarde la place des savants. Beaucoup min ahlil bid'ah, ils insultent le sahaba. Pourquoi est-ce qu'ils insultent le sahaba en vérité? Pour nous couper le lien entre la communauté et le prophète. Le seul moyen d'acquérir et d'arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ? Ce sont ses compagnons. Alors on insulte ses compagnons, on les rabaisse. Comme ça, le lien est coupé. Comme ils font aujourd'hui avec l'ulama, les soupes l'ulama, ils insultent les savants de la sunna. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe la communauté de son savant. Et elle ne va plus vers son savant, mais elle va vers qui ? Vers les gens de la passion et de l'innovation. Ibn Rajab, rahimallah, mentionné, ils ont hérité de ce que les prophètes ont rapporté comme science. Ils succédèrent aux messagers, alayhi salatu wassalam, en faisant la da'wah à leur communauté, en invitant à l'obéissance d'Allah, da'watu ila tawhid. Comment tu reconnais une bonne da'wah ? C'est que le savant, la première chose à laquelle il appelle, c'est quoi ? Tawhidullah azza wa jalla. Il appelle à Allah. Avant d'appeler au respect et au bon comportement des créatures, il appelle au respect et au bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve des gens qui nous disent, lui il a un très beau comportement, hadha rajul masha'Allah. Il voit, il sort des filles mortes ? Là. Subhanallah. Moi je veux bien, il est gentil avec les gens, il fait l'ikram, il leur fait des accolades, des bons sourires et tout. Mais le comportement qui passe en premier, c'est le comportement avec Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, le comportement avec les gens. Que la personne, elle est sur Tawhid, qu'elle soit sur la Sunna. Être sur la Sunna, c'est avoir un bon comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on voit le comportement avec les gens. Mais sachez que celui qui a ce comportement avec Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a forcément, s'il fait les choses convenablement, s'il est sincère, s'il est à l'intibir Sunna, les fruits, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il aura tout simplement des bons comportements avec les gens. Le savant sait se comporter avec un kafir. Il sait comment se comporter avec un mushrik, avec un muqtadir, avec un fasir, avec un muslim, avec un alim comme lui. Il sait tout ça. Pourquoi ? Parce que dans les textes, il a tout. Allah a décrit ses créatures. Le munafir, il est comme ça. 13 versets pour lui, fi surat al-Baqara. Tu veux savoir c'est quoi un munafir ? Va lire. Les 5 premiers versets de l'Al-Baqara, Al-Mu'min, c'est un croyant. Tu veux savoir c'est quoi un croyant ? 5 versets sur le croyant. Bon, il y en a d'autres. Allah Azza wa Jalla a informé comment elles sont ces créatures. Les kuffars sont comme ça. Les Yahoudi, les Nasara, les Kitab, les Fasiq, il est comme ça. Tout est dans le Coran et dans la Sunna. Tu veux connaître les gens ? Apprends le livre d'Allah et la Sunna du Prophète. Ta'rifu al-rijal bil-'ilm, wa la al-'ilm bil-rijal. Connaîtra les gens par la science. Quelquefois, tu écoutes quelqu'un parler, tac, tac, tac, tac, tac. C'est quoi ces idées qui ne sont pas profondes encore à la sonde ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut attaquer ? Est-ce que ça veut dire... Non, non. La base chez le musulman, c'est qu'il est ignorant. Ce n'est pas parce qu'il dit des choses, ça y est, tout de suite, qu'on attaque. Il faut enlever cette mauvaise manière. La base chez le musulman, c'est quoi ? C'est la gentillesse, c'est la douceur. Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à Moussa wa Haroun, deux prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas pas leur apprendre à faire la da'wah ces deux prophètes. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Allez voir Pharaon et parlez-lui avec quoi ? Avec douceur. Avec douceur. Mais est-ce qu'Allah il savait pas qu'il allait mourir kafir Pharaon ? Allah Azza wa Jalla le savait déjà bien avant. Et pourtant il leur dit quoi ? Parlez-lui avec douceur. Alors allez où la hikmah ? La hikmah c'est que si avec lui, achète domine le kuffar. C'est l'un des pires que la terre a porté Pharaon. Il est mort kafir. Si avec lui il faut aller parler avec douceur, qu'est-ce que vous dites de ton frère musulman ? Subhanallah. Donc de parler avec douceur, c'est pas parce qu'il a des idées bizarres, mais en ayant la science, tu apprends à connaître les gens. Et tu apprends à ne pas, c'est un bouclier. La science, elle est comme un bouclier. Elle te protège des ambiguïtés, aussi bien dans la aqida que dans les comportements. Car lorsqu'on est entouré par des gens qui sont mauvais ou par le mal qui est autour de nous, il est très difficile de, que ça ne t'atteint pas. De protéger ta femme et tes enfants de cela, c'est pas facile. Hein? Donc tu te dois de te protéger de toutes ces ambiguïtés. Parmi le droit des savants aussi, le droit de transmettre l'héritage. Ils ont l'héritage, mais ils ont un droit, c'est quoi ? Avant tout le monde, c'est eux qui transmettent en premier. Tu ne transmets pas avant un savant. Tu ne parles pas d'une chose qu'un savant n'a pas parlé avant toi. Comme il a dit l'imam Ahmed, rahimallah. Ne parle pas sur une question religieuse qu'il n'y a pas un savant qui t'ait devancé là-dessus. Est-ce qu'il y a un savant qui appuie ce que tu dis ? Ou bien tu sors les choses de ta tête ? et tu crois que ça y est, t'as trouvé une faillite. Ça, il y en a qui sont passés avant toi. Même des gens de science. Ils ont cru qu'ils avaient trouvé des faillites. Mashallah, quand ils sont partis voir le shir, le shir, il les a trouvés depuis 10 ans. Toi, tu crois que ça y est, j'ai trouvé une faillite. Mashallah. Quel est le savant qui te demande sur cette chose-là? Est-ce que tu as bien compris la chose? Est-ce qu'il y a un savant pour appuyer ce que tu dis? Ou bien tu t'avances tout seul? يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الشيخ الألباني في سنن أبي داود رحمه الله تسمعون ويسمع منكم تسمعون ويسمع منكم vous écoutez vous entendez quoi le hadith vous entendez l'ilm le hadith ويسمع منكم vous écoutez le hadith le professeur il parle avec les sahaba. Vous écoutez la science. Et on écoute de vous. Pourquoi? Ça veut dire qu'il prêche. Le savant a pris la science d'un autre savant, puis il propage. Les gens entendent. Et on écoute de ceux qui ont écouté de vous. C'est-à-dire qu'il y a eu la transmission. Les premiers qui doivent transmettre, ce sont les ulama. Et tu ne transmets que ce que les ulama ont transmis. Tu ne peux pas à ton niveau ou à notre niveau ramener des choses nouvelles comme ça. Et tu vas t'apercevoir que cette chose-là que tu as cru qu'elle était nouvelle pour toi, à ton niveau d'ignorance, bah c'est que le savant il l'a ramené depuis plus de 10 ans et plus de 100 ans avec les autres savants d'avant. Donc chacun se doit de rester à sa place. Taïeb. Parmi les droits des ulama, c'est le fait de leur vouloir du bien. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a voulu du bien. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin. Celui qu'Allah lui veut du bien, le prophète il a dit quoi? Celui qu'Allah lui veut du bien. Ça fait ni'ma. On ne parle pas de fulan wa fulan wa fulan. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa samawati wal ard wa rabbul alamin wa maliki yumiddin. Allah Azza wa Jal, s'il veut du bien à une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait din, il lui fait comprendre la religion. Quand on dit comprendre, dans le sens où il lui a fait comprendre, mais il lui a fait appliquer, il lui a facilité le fait d'appliquer cette religion. Il fait din. Les ulama disent l'axe ou l'axe. Celui qu'Allah lui veut du mal, il l'éloigne de la compréhension de la religion. هذا الشر عظيم. Il n'y a pas un mal, l'un des plus grands mal que la terre porte, c'est ça. Que les gens ne comprennent pas la religion d'Allah. Ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui a la compréhension de la religion, c'est ni'ma d'Allah. Il faut bien qu'il se dise dans son cœur, le prophète ne ment pas, il dit la vérité. C'est qu'Allah t'a voulu du bien. Hadi ni'ma, azim. Rien que cette ni'ma suffit. Tu comprends la religion, tu as tout compris. Ce n'est pas la religion qui dépend de la dunya. C'est la dunya tout entière qui dépend de cette religion. Toute la dunya est gérée par la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si tu as compris la religion, tu as compris tout le reste. Tu as compris tout le reste. Al-firqu fi ddin. Et ça, demande-le à Allah Azza wa Jal, qu'il te fasse comprendre cette religion. Et qu'il ne fasse pas que tu sois parmi les ignorants. Donc, si Allah Azza wa Jal aura voulu du bien, parce que ces savants-là, il leur a fait comprendre la religion, alors, toi, en tant que simple créature et qui obéit à Allah Azza wa Jal, tu te dois de leur vouloir du bien, de faire des doigts pour eux, de demander le pardon pour eux, que lorsqu'ils se sont trompés, Inch'Allah, qu'ils reviennent à l'al-haq. Ils ne sont pas infaillibles, ce sont des êtres humains, avant toute chose. Ce sont des êtres humains, min al-bashar. Quelquefois, ils réfléchissent sur un avis et ils se trompent. C'est arrivé au plus grand des savants. Ça leur est arrivé. Alors ça y est, il a fait une erreur, c'est plus un savant, il n'a plus rien. Non, subhanallah, qui ne se trompe pas? Qui ne se trompe pas, subhanallah? Il est sauvegardé de celui qu'Allah a sauvegardé. Un autre droit, c'est de reconnaître que beaucoup de choses ne dépendent que des ulama. Les choses sur cette terre ne dépendent que des ulama. Vous connaissez le hadith du prophète, lorsqu'il a mentionné que Allah Azza wa Jal reprendra la science. Mais il ne l'enlève pas de la poitrine des gens. Il enlève l'ulama. Maut l'ulama, la mort des savants. Et c'est pour ça, précipitez-vous. Allez vite voir un savant avant qu'il meure. Allez profiter de sa science. Le savant, il part avec toute sa science. Il part avec toute la science. Il n'a pas eu le temps de profiter, il n'a pas eu le temps de goûter. L'imam Ahmed, il disait, vous le savez, on a plus besoin de la science que de la nourriture. Allah, ici maintenant, on te dit, Foulen, il a une mallette, il y a 1 million d'euros dedans, premier arrivé, premier servi. Là, je suis sûr, je parle tout seul. Et encore, je parle avant vous. El-Mel, Hubul-Mel, on a, malheureusement, on a cette chose-là, l'amour de la dunya. Quelquefois, tu trouves l'ulama, il te parle. J'ai entendu une fois sur le Fawzan, Hafidallah, si à chaque fois que vous faites la médisance, on vous enlève du compte en banque, plus personne ne fait de médisance. Hatta Ahad min al-Salaf, il disait, je médisais. Et pour arrêter cette médisance, je disais qu'à chaque fois que je fais de la médisance, je jeûne un jour. Mais j'arrivais à jeûner, c'était facile pour moi. Alors j'ai dit, à chaque fois que je fais de la médisance, je donne telle somme d'argent. Ma neuf, elle aimait la médisance, mais elle aimait plus l'argent. Alors j'ai arrêté. Il y a une nefs. Ta nefs, elle aime ça. Et bien, l'un contre l'autre. Tarbiyat une nefs. C'est ça l'éducation de la nefs. Salaf, ils ont compris ces choses-là. Parce qu'ils avaient la science. Ils avaient l'ilm. C'est ça qui leur a donné cette clarté. C'est la science, c'est pas autre chose. Taïb. Omar ibn Khattab, il disait, certes, celui qui est désigné par son peuple parce qu'il est, il a la science, ce sera un grand bienfait pour lui. Ils ont pris le plus savant d'entre eux, ils en ont fait celui qui va les instruire. Ils en ont fait celui qui va les instruire, sachant qu'il y a déjà parmi eux des gens de science. Mais celui qui choisit, ils ont choisi quelqu'un, pour rien du tout, non pas par sa science, mais pour quelque chose de bad, cet homme-là court à sa perte. Non seulement il va propager le mal, et il va égarer les gens. Il payera l'yom al-qiyama pour son mal, et il payera pour tout le mal qu'il a donné aux gens, pour tout ce qu'ils ont fait, sans rien en retirer. Subhanallah. C'est pour ça quand on te dit, fais attention quand tu parles. Hada halal ou hada haram. Yajouz, la yajouz. Attention. Si tu égares les gens, ils partent avec cet égarement. Fais bien attention, informe-toi avant de parler. Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhum, disait, tous les savants mourront, et les traces de la vérité disparaîtront progressivement jusqu'à ce que le nombre des ignorants augmente. Si les savants partent, qu'est-ce qu'il reste ? Les ignorants. Certes, une fois les savants partis, ils œuvreront par ignorance, ils pratiqueront la religion sans science. Hada zaman, zaman ul fitna. L'époque à laquelle on vit, où les gens égarent d'autres gens sans aucune science. Certains nous coupent des ulama, veulent nous couper des savants, ne pas revenir aux savants. Si les gens vont voir les ignorants, ils n'appliqueront pas la religion comme il se doit. Et après on s'étonne qu'Allah tabaraka wa ta'ala descende un châtiment. Et c'est normal. Les éclipses. Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il a fait de l'éclipse ? Il en a fait un avertissement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait une éclipse, il prenait peur. Il allait à la mosquée, il réunissait les gens, il faisait la prière de l'éclipse, et il faisait le maw'ida sur quoi ? Ne parlez pas du paradis, et parlez vite. Il faut vite vous repentir, et attention à l'enfer, et au châtiment de la tombe. Et attention au châtiment d'Allah sur terre. Voilà c'était quoi l'éclipse. Aujourd'hui les gens, tout le monde ramène les jumelles, les lunettes, les télescopes. Mashallah. Mashallah, attends, ça va venir. Al-Adab, les gens ne se posent même plus de questions, les gens n'ont plus peur. Il n'y a plus de taqwallahi azza wa jal. Il n'y a plus l'amour de ces savants d'avoir donné le droit à ces savants. Parmi les droits des savants, de reconnaître que tu as besoin d'eux, qu'ils sont indispensables. Tu ne peux pas gérer ta vie sans la religion. Cette religion, tu ne peux pas la comprendre sans l'ulama. Tu ne peux pas appliquer cette religion et la comprendre comme Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont voulu sans les savants. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les savants à quoi ? Aux étoiles. Et Allah tabaraka ta'ala a parlé des étoiles, a donné leur rôle à ces étoiles. Pourquoi est-ce qu'Allah les a créées ? La première chose, wa alamatin bin najmihum yahtadun. ce sont des signes. Ces étoiles sont des signes par lesquels on va se guider. L'alim, le savant, est semblable à cette étoile. Il nous permet d'avoir une guidée. Il nous guide sur le droit chemin. Il montre le chemin. Il ne guide pas les cœurs. Ça vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette guidée. Mais la guidée de montrer le chemin, ça, le savant le fait. Donc, il est semblable à cette étoile dans cette chose-là. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Sama' ad-dunya, sama' al-awwal wa sama' ad-dunya, il y a une différence entre les deux, ne pas confondre. Hein, il y a sept cieux. Mais en dessous du premier ciel, il y a sama' ad-dunya. C'est quoi sama' ad-dunya? C'est ce que l'on voit. Le soleil, la lune, les étoiles. Allah Azza wa Jalla dit, il a embelli le ciel par quoi? Par ses étoiles. Il a embelli la religion par les savants. Il a embelli la religion par une ulama, par les savants. Donne-leur cette place-là et ce droit-là. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ. Troisième chose, troisième rôle qu'Allah a donné aux étoiles, c'est quoi? Nous en avons fait quoi de ces étoiles? Des projectiles. Pour qui? الشَّيَاطِينَ. Le savant, c'est pareil. Il combat le shirk, il combat la bid'a, ou le fosq, ou le marsiya, ou le fasad, ou le fitna, ou le dalal. Il combat ça. Par quoi? Par la science. Et c'est un effort constant. Il ne s'arrête pas. Il a appris étant jeune, il propage étant vieux. Il propage étant vieux. Et il a l'expérience. Vous ne croyez pas que l'expérience aussi, elle ne joue pas? L'expérience te permet d'avancer dans la vie, de tirer le son. Le prophète Samy l'a bien mentionné, le musulman ne tombe pas deux fois dans le même trou. C'est ça l'expérience. Ça t'est arrivé une fois, pourquoi je recommence une deuxième fois? T'es prévenu. C'est ça l'expérience, tu acquiers de l'expérience. Le savant, il acquiert de l'expérience, mais il a une arme qui, plus encore, c'est quoi? Ça et la science, ça y est. Entre un jeune qui a de la science et un vieux qui a de la science, il faut aller voir. Le vieux qui a la science. Le vieux a l'expérience que le jeune n'a pas. Même s'ils ont la science. Mais ce qui passe en premier, c'est l'ilm. C'est la science. L'imam Ahmed, rahimallah, mentionnait l'imam Shafi'i. Il disait de lui, il est comme le shams, comme le soleil pour la terre, et il est comme la santé pour les gens. Qu'est-ce que tu as remarqué? Il est comme le soleil pour la terre. Est-ce qu'on peut enlever le soleil? Le soleil est indispensable à la terre. Et il est comme la santé pour les gens. Si tu n'as pas la santé, tu ne fais rien. Regarde comment il a parlé de l'imam Shafi'i, rahimallah, qui était son professeur. Hein? Une fois, ensuite l'imam Ahmed, là il parlait à son fils, Abdullah. Parce que Abdullah, il lui a dit à l'imam Ahmed, à son père, tu es toujours en train de parler de Shafi'i, l'imam Shafi'i. Et c'est là qu'il lui a sorti ça. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Après lui avoir dit cette fois, il lui a dit, y a-t-il un remplacement à ces deux choses? Le soleil est irremplaçable, la santé est irremplaçable. Regarde le droit qu'il a donné à un savant plus, qui était son professeur. Comme un qui était venu voir l'imam Ahmed, Yahya. Il était venu voir l'imam Ahmed, rahimallah. L'imam Shafi'i est passé avec son âme. Il n'est pas sur un cheval, il est sur un âne. Quand Omar ibn Khattab est arrivé à Qutz, il est arrivé avec un âne. Avec un âne, personne sur lui. Il y avait un âne avec le. À ce moment-là, je ne sais plus si son serviteur était sur l'âne ou à côté de l'âne. Pourquoi? Parce qu'il laissait une heure Omar, une heure le serviteur et une heure l'âne se repose. Regarde, même dans les animaux, il a donné son droit. Ça, c'est un savant. Il se comporte. Tu sais comment se comporter, même avec les hayawanat, avec les animaux. Al-Muhim. Il arrivait avec son âne. L'imam Ahmed, il s'est levé, il a pris la. Comment on appelle ça? Bon, c'est pour les chevaux. Elle est en cuir, là. Le reine. Hein? Le reine. La reine, à coup les reines. Les reines. La corde ou la reine. Il l'a pris, il est parti avec. Yahya l'a attendu. Quand il est revenu, il lui a dit, mais pourquoi ça? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, toi, prends la queue de l'âne. Pourquoi? Pour apprendre la science. pendant qu'il marche avec l'imam. L'imam Ahmed, pendant qu'il marche en tenant là, l'imam Shafi'i lui explique le hadith. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Toi, prends l'âne prends la queue de l'âne, c'est tout ce qui reste. Prends la queue de l'âne et apprends le hadith, au lieu de me poser la question pourquoi. Tu vois, l'humilité. Hein, il faut aller voir les savants, c'est pas eux de venir. Alhamdulillah, s'ils viennent. Mais à la base, c'est à nous d'aller chez eux. Et non pas eux de venir vers nous. C'est une rahma, ils ont pitié pour nous. Hein, comme on dit, ils veulent la miséricorde pour nous. Pour finir, Inch'Allah, les autres trois, je vais les donner directement vis-à-vis de nous là. Il y a le fait de s'allier aux savants, de s'allier à eux, de les défendre, quoi qu'il arrive. Tu te dois de défendre l'ulama. Quand quelqu'un parle mal sur les savants de la sunna, tu te dois de les défendre. Parce que ce sont des ulama. Les défendre a plus de récompense que de défendre quelqu'un d'autre. Hein? N'oubliez pas le danger qu'on a parlé, que s'il y a une séparation entre la umma et les savants. Si tu peux être la cause de les défendre, même si tu ne connais rien, défends l'ulama. Ne parle pas comme ça sur tel savant. Pendant que toi tu étais dans les péchés, dans la période avant que tu sois droit dans l'islam, Allah il était dans des livres, il était en train d'étudier, il ne dormait pas. Puis après tu parles sur eux de cette manière-là, il n'y a même pas de respect de t'allier à eux, sauf dans l'erreur. Et comme on a dit, tout en gardant le bon comportement. Attention, c'est bon. Quand il fait une erreur, tu ne le suis pas dans l'erreur. On suit la vérité, on suit les hommes tant qu'ils sont sur la vérité. Le jour où ils ne sont plus sur la vérité, on ne peut plus les suivre. Et on les aime pourquoi? Parce qu'ils sont sur la vérité. On les aime pour leur science, pour la place qu'Allah Azzawajal leur a donnée. Tayyib. S'éloigner de la médisance. Lahmul ulama masmouma. Comme il a dit Abdullah ibn Abbas, la chair des savants est empoisonnée. La chair des savants est empoisonnée. Lorsque tu parles sur un savant, c'est pas comme tu parles sur quelqu'un. Tu parles sur quelqu'un, le mal ne touche que la personne. Tu parles sur un savant, tout le mal retombe sur la umma. Parce que comme on a dit, il y en a, ils n'iront plus vers ce savant. Le fait de ne pas dire ce que le savant, de dire ce que le savant n'a pas dit. Ne dis pas, ne dis pas une chose sur le savant alors qu'il n'a pas dit cette chose. Cheikh Ibn al-Athim, rahmallah, lui-même, il disait, combien de gens mentent sur moi? Subhanallah al-Azim. Il le sait. Combien de gens mentent sur moi? Toutes les fitnas qui ont fitnes des temps passés. Combien de gens sont venus avec des fatwas d'ulama? Regardez ce qu'il a dit sur l'Othémine, sur Babbal, sur l'Albani, sur Mourid, qui va à l'ulama. Kadib à l'ulama. Tout ça pour appuyer leur faute. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a fait parvenir la vérité à ses savants et ils ont prouvé le contraire, comme quoi ils n'avaient pas dit ces choses-là. Certains mentent sur les savants. Il te dit, si, Cheikh Foulen, il l'a dit, ramène. Ramène-moi la cassette, ramène-moi le livre, ramène-moi le fatwa, où est-ce que tu l'as trouvé? Et c'est ton droit de demander, il n'y a pas de honte à ça. C'est ton droit. Il ne faut pas avoir honte de ça. Peut-être que le frère il a mal compris, peut-être que le frère il a mal entendu, et peut-être tout simplement qu'il a raison. Mais il n'y a pas de mal à vérifier. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu lui dis, c'est qui t'a dit ça? C'est Foulen. Foulen, barakallahu fik, laysa min ahli al-ilm. Il y a une différence quand tu dis, c'est Mohammed et c'est Cheikh Razili. Dans tel livre, dans telle cassette, avec telle compréhension. Il y a une différence. Ça, c'est leur droit. Taïb. De faire des doigts pour eux, de te mettre à leur service, de les aimer. Et en vérité, quand le prophète il parle sur les droits des musulmans, et bien tous ces droits-là s'adressent à l'ulama. Hein? Certains, tu le vois quelquefois dans des assises de ilm avec l'ilm. L'ilm, il va éternuer, il va dire Alhamdulillah. Tellement il a honte, l'autre, devant le shir, il n'ose même pas dire « Yarhamukallah ». C'est du respect, mais il n'est pas dans le bon sens, ce respect. Il doit le dire, c'est son droit au savant. Tu le dirais à ton frère qu'il le fait. Pourquoi tu ne le dis pas au shir ?« Yarhamukallah ». C'est tout. Sans te montrer, hein, sans dire « Ah, t'as vu, je dis Yarhamukallah ». C'est moi qui l'ai dit le premier. Wallahi, vous rigolez, mais Cheikh Ibn Rahimahullah, Yaqub, il disait « La plus grande jalousie que j'ai vue, c'est entre les étudiants, entre eux, devant le shir. C'est la plus grande. Il a vu des jalousies. Il y a des jalousies, les femmes avec les femmes, les frères avec les frères. Hein? Mais la plus grande jalousie, le degré le plus haut dans la jalousie qu'il a vue, c'est les toulabs entre eux, les élèves entre eux. Chacun cherche à se rapprocher du shir. Quand un grand savant, il dit à Foulen, qu'est-ce que tu donnerais pour lire? T'es jaloux de lui. Mais la jalousie, c'est quoi? C'est que tu souhaiterais que cette personne-là n'ait pas cette chose-là, mais qu'elle t'advienne à toi. Ça, c'est contre le qadar d'Allah, azza wa jalla. C'est contre ce qu'Allah a décrété. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Accorde-lui ça et donne-moi la même chose. Ça, c'est pas de la jalousie. Il n'y a pas de mal dans la vie. Aïe, se rabaisser devant eux. Quand tu es une assise devant eux, on ne va pas vous le cacher, on a dû déjà vous le dire, les frères ont déjà dû vous le dire dans vos mosquées respectives, que les comportements devant les savants, là il y a des frères, subhanallah, moi je l'ai vu de mes yeux, une fois t'es sur la mer, hafid Allah, le frère était à la plage, t'es allongé comme t'es allongé à la plage. Hein? Il y avait un frère derrière Cher qui se prenait la tête, qui faisait des signes comme ça. Il se prenait la tête, il transpirait le frère. Al-Adab et Al-Akhlaq, ce sont des ulama. Le prophète Sam, il dit quoi? Les anges baissent leurs ailes devant eux. Al-Mala'ika baissent leurs ailes devant eux. Et toi, tu te permets de couper la parole. Tu te permets de crier sur le savant. Tu te permets de dire, lorsqu'il dit un avis, Ya Shir Foulen, Khala Kadaoka. Ça ne fait pas partie du bon comportement. Ça n'en fait pas partie. Ne le regarde pas dans les yeux, ne le fixe pas dans les yeux. Ça, c'est le jahiliya. On le trouve même entre frères. Des frères, salam alaikum, salam alaikum. Souris, akhi. Sadaqa. Souris à ton frère. Et pourquoi tu souris à l'un, tu souris pas à l'autre? Salam alaikum, akhi. Ah, mashallah. Salam alaikum. Tu fais le farq bain hada wa hada. Moi, muslim, moi, muslim. Subhanallah. Lakin, inda l'ulama, akbar. Achète. C'est un plus grand comportement encore. Tu ne prends pas la parole, tu lèves la main. Tu veux sortir de la djelsa, de l'assise, tu lèves la main. Tu attends la permission. Hein? Tu attends la permission. Tout ça, c'est des bons comportements à avoir avec le savant. Hein? Ne pas lui couper la parole. L'aider le plus possible. Lui ramener un verre d'eau. Quelquefois, il n'est pas bien assis ou il y a quelque chose. Tu l'aides, tu te lèves et tu l'aides. Etc, etc. Prendre soin de ce savant. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, comme l'a dit le prophète, les anges baissent les ailes devant eux. Ce n'est pas n'importe quoi. Allah Azzawajal les a élevés. Et une dernière chose, Inch'Allah, le fait de celui qui a l'habitude de s'asseoir avec un savant, ou même avec son professeur, cela est valable aussi même avec un professeur qu'il a, le fait d'arriver à l'heure, et de ne pas arriver en retard. Il y a un min al-salaf, un shir, ça tapait à la porte. Et c'était des élèves qui étaient en retard. Le tu ouvres la porte et regarde qui c'est. Il a dit à un élève, lève-toi et regarde qui c'est. Il s'est levé, il a regardé. Il a dit, c'est les nôtres, ça fait partie des nôtres. Il a dit, laisse-les dehors. Frère, Inch'Allah, là-dessus, quand tu connais l'ulama, c'est bon, t'as compris. C'est ça, tarbiya, il t'éduque. La prochaine fois, tu viendras à l'heure. Tu es venu apprendre la science, tu n'es pas venu apprendre autre chose. C'est un grand respect, ne serait-ce qu'envers le chef. Hein? D'autres sont venus, ça a retapé. Il m'a dit, va voir. C'était des ignorants. Il m'a dit, fais-les rentrer. Talib, il a dit, yashir. Ceux qui sont des nôtres, je ne les fais pas rentrer, je fais rentrer ceux-là. Ceux-là, ce sont des ignorants. Ils ne viennent jamais, ils viennent de temps en temps et ils parlent pour rien dire. Ils ne connaissent pas les bons comportements. Ils ne sont pas responsables de leur comportement, fais-les rentrer. Les autres savent très bien qu'ils doivent venir à l'heure. Les autres sont éduqués pour ça. Les autres connaissent la vérité sur cette chose-là. Alors ils restent dehors. Tarbiya. Je me souviens à l'époque, Cheikh Ibn al-Azim, rahmallah, si tu parlais un peu à droite à gauche ou tu faisais quelque chose de bizarre, oh, il continuait son cours. T'es comme ça, comme un piqué devant 100 personnes, la honte, t'es la honte du groupe. T'es comme ça tout seul, alhamdoulilah, ça ne m'est pas arrivé. Les gens me croisent moi. Il est resté comme ça tout seul. Tout seul comme ça, debout, il a continué son cours. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Ça ne se fait pas. Il y a un comportement à avoir avec eux. C'est un droit qu'ils ont sur toi. Si tu vois qu'ils sont trop durs avec toi, c'est pour t'éduquer, ils te veulent le bien. S'il est comme ça avec toi, au contraire, c'est que toi, par rapport à d'autres, tu es plus proche. Ils t'aiment plus toi que les autres. Dans son cœur, tu es plus proche que les autres. C'est pour ça qu'il te fait ça à toi. Il ne le fait pas à un autre. Hein? Donc, et il y a encore beaucoup de droits. Le temps ne permet pas de continuer. Ma ma poi ce ne finire. Après, il y a levé la main. Écris, moi je dis ce que tu dis. Inch'Allah, on espère qu'Allah tabaraka ta'ala fasse que cette chose-là soit profitable pour nous-mêmes, Inch'Allah. Al-ilm wa al-amal bih, n'oubliez jamais cette chose-là. C'est une chose que je me permets à moi-même d'abord, puis à vous. D'apprendre la science, oui, suivi du bon comportement, élever les savants, protégez-les, défendez-les, allez apprendre de chez eux, ne serait-ce que de regarder. Même pas pour les voir en vidéo, je sais qu'il y a des vidéos sous-titrées, c'est bien, va le voir, si tu peux, Allah, il va le voir. Hein? Quand vous revenez de la Umrah, ne dites pas, oui, j'étais au McDo. C'est bien d'être au McDo. Est-ce que tu as vu d'autres? Est-ce que tu as été voir la main? Vas-y. Même si tu ne connais pas où et comment on va chez eux, parce que quelquefois il faut avoir du film, comme on dit. Il faut connaître les gens qui y vont, il faut connaître les horaires, etc. etc. T'inquiète pas, tu vas trouver. Craignez Allah et Allah vous apprendra. C'est du donnant-donnant. Crains Allah, sois sincère avec Allah, Allah Azza wa Jalla va te donner la science. Et s'il peut te la donner directement de la part d'un savant, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu te trouves avec les meilleurs de la création. Hein? Comme il disait pour finir, Inch'Allah, on dit toujours à finir, on finit pas. Un des salafs, Allah, s'il n'y aurait pas l'ulama ou al-hayawanat, les savants et les animaux sur terre, il n'y aurait pas le baraka. Il n'y aurait rien. La pluie ne tomberait même pas. La pluie, c'est fait partie de la baraka. Pourquoi? Parce que eux le méritent. Mais le reste de la communauté, est-ce qu'elle le mérite vraiment? Si elle reste sur le Coran, elle reste sur... Chacun se corrige, chacun aide son frère. Dans vos foyers, apprenez la science dans vos foyers. Prenez un livre avec votre épouse. Un hadith, vous le lisez, l'explication d'en dessous, même une phrase. Nestafid. Khalas, c'est enregistré. Un hadith par jour. Tu ne peux pas un hadith par semaine. Tu ne peux pas un hadith par mois. Quand on aura fini un hadith par mois pendant 6 mois, passe à plus. Et ceci petit à petit. Hein? Goutte par goutte. Alhamdulillah Rabbil Alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله.